Bouygues Télécom. Pauline de Pau rêve depuis très longtemps de posséder un super smartphone pour partager ses plus beaux moments avec ses proches. Ce serait top, mais côté porte-monnaie, Pauline se dit qu'elle doit encore économiser pour se faire plaisir. Eh bien, Pauline, bonne nouvelle! En ce moment, et seulement jusqu'au 26 octobre, c'est la vente flash Bouygues Télécom. Profitez de 70€ de remise sur tous les smartphones grâce au forfait sensation 60Go avec avantage smartphone. Appelez gratuitement Bouygues Télécom au 3106. Offre soumise à condition, valable pour l'achat d'un mobile de 71€ minimum, engagement 24 mois. C'est une découverte souvent citée pour illustrer la sérendipité, c'est-à-dire une découverte fortuite qui n'était pas l'objet principal de la recherche initiale. C'est en effet il y a 125 ans tout juste, en tâchant de comprendre ce qu'étaient les rayons cathodiques émis par le passage de l'électricité dans des tubes de verre sous vide, que Wilhelm Röntgen découvrit d'étranges rayons qui avaient la capacité de traverser différemment la matière en fonction de sa composition et qui permettaient de voir l'intérieur du corps humain. C'est parce que ces rayons étaient inconnus qu'il les appela X et que débuta l'histoire de la radiographie. Rayons X, t'as de bozo, tu sais, je suis navré pour ce titre. C'est le programme transparent qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Les titres vont vraiment à volo dans cette émission. Bref, pour évoquer cette histoire de la découverte et de l'utilisation des rayons X dans le cadre de nos émissions de révision des grandes notions de l'histoire des sciences, après notamment l'atome de Bohr et l'unification des forces via l'expérience d'Oersted il y a quelques semaines, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Renaud Huyn. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du musée Curie et nous sommes en ligne avec Philippe Devrette. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de radiologie à la retraite. Vous étiez exercé à l'hôpital de la Timone à Marseille. Mais on commence comme chaque jour par l'actualité scientifique de cette dernière 24 heures avec le journal des sciences et Natacha Triou. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence ce journal avec une étude parue hier dans la revue Nature. Du magma profond facilite le mouvement des plaques tectoniques. Cette équipe française a réussi à cartographier la quantité de roches fondues présentes sous les plaques tectoniques grâce à une méthode novatrice. Leur nouveau modèle prend en compte non seulement la vitesse des ondes sismiques, mais aussi la manière dont elles sont atténuées par le milieu qu'elles traversent. Quand un séisme se produit, il libère de l'énergie qui se propage à l'intérieur de la Terre, et cette énergie se propage sous la forme d'ondes sismiques. Ces ondes ont une vitesse et une amplitude. En croisant ces données, cela donne accès à différentes informations. Cela donne une idée de la température du milieu, mais aussi de la propriété interne à la roche, et donc à la présence ou non de magma. Selon cette étude, la vitesse des plaques tectoniques près de la surface est directement liée à la présence de roches fondues. Éric Debeil est directeur de recherche au CNRS, au laboratoire de géologie de Lyon. Il est le responsable de cette étude. Depuis la fin des années 60, en fait, 70, on a observé qu'il y avait une couche à la base des plaques tectoniques. Donc les plaques tectoniques, elles font une centaine de kilomètres d'épaisseur sous les océans et environ 200 kilomètres sous les continents. Et on le voyait surtout à la base des plaques océaniques, on voyait qu'il y avait une très forte réduction de vitesse sismique. Mais on ne savait pas exactement comment l'interpréter. Et si vous voulez que les plaques bougent sur le manteau, plus profond, parce que vous savez que quand on envoie une onde sismique dans le manteau à l'intérieur de la Terre, elle se propage dans un solide. Par contre, quand on fait glisser des plaques sur des centaines de milliers d'années, elles glissent sur le manteau plus profond parce que le manteau, il se comporte comme un fluide très visqueux. Donc à un moment, si vous voulez faire bouger des plaques sur le manteau, il faut diminuer la viscosité de la couche qui est en dessous. Il faut les découpler, il faut qu'elles puissent se découpler du manteau. Il faut qu'il y ait une couche à la base qui puisse se déformer. Et une façon de permettre cela, c'est de rajouter un tout petit peu de fusion partielle. Si vous en rajoutez, donc ce qu'on montre, c'est qu'avec 0,3 ou 4% de fusion partielle à la plaque tectonique, donc c'est très peu en fait, il y a très peu de roches fondues. Mais ça va permettre de diminuer la viscosité et ça va permettre aux plaques de glisser sur le manteau qui est plus profond. Voilà, c'est ça qu'on montre. Et ce qu'on montre également, c'est que sur les plaques qui bougent le plus vite, par exemple la plaque pacifique qui se déplace à 5-7 cm par an, et ben ces plaques-là, c'est là où on observe la plus grande quantité de melt. En fait, le melt, c'est la fusion partielle de magma, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est sous ces plaques qui bougent le plus vite qu'on va observer le plus de magma. Et donc, ça veut dire que, en fait, ce magma, il y a un lien entre la vitesse de déplacement de la plaque et la présence de fusion à sa base. Et ça, c'est un lien qui reste à comprendre. Voilà, et vous pouvez retrouver, comme tous les jours, le lien vers l'étude dans la revue Nature et puis tous les liens vers les études dont il sera question au cours de cette heure sur notre fil Twitter, @lamethodefc, ainsi que sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et on passe au bref. Dans une étude parue dans la revue Radiothérapie and Oncology, des chercheurs viennent de découvrir un nouvel organe dans le corps humain. Oui, l'anatomie humaine peut encore nous réserver des surprises. Des chercheurs néerlandais ont découvert que nous possédons des glandes tubariales. Ils les ont identifiées par hasard sur une centaine de patients suivis en oncologie. Les scanners ont révélé cette paire de glandes cachées derrière notre palais au centre du crâne. Alors jusqu'à présent, nous n'en connaissions que trois types. Les glandes parotides, près des oreilles. Les glandes sublinguales, sous la langue et les glandes sous-maxillaires, sous la mâchoire. De nouvelles études sont nécessaires afin de confirmer le rôle de ces glandes salivaires. Le Japon pense à rejeter à la mer l'eau contaminée de Fukushima en 2022. Et depuis le 11 mars 2011, jour de la catastrophe nucléaire, une question se pose. Que faire des milliers de mètres cubes d'eau utilisés pour refroidir les 6 réacteurs de la centrale ? Depuis, 1,23 million de tonnes d'eau, l'équivalent de 500 piscines olympiques, sont stockées dans les réservoirs de la compagnie TEPCO. Sauf que les capacités de stockage arriveront à leur terme vers l'été 2022. Selon le gouvernement, rejeter dans l'océan les eaux contaminées est la solution la plus rapide et la moins coûteuse. Bien que l'eau soit traitée, elle contient toujours des isotopes radioactifs et notamment du tritium. Les États voisins ainsi que de nombreuses ONG s'inquiètent des conséquences que cela aura sur l'environnement marin mondial. Et enfin, la région Île-de-France veut se débarrasser de tous ces bus qui roulent au diesel. Île-de-France Mobilisée veut veut un parc de véhicules 100% propres d'ici 2025 dans la petite et la grande couronne et pour toute la région d'ici 10 ans. La RATP veut diminuer de moitié les émissions de CO2 en 5 ans. Les 8700 bus qui fonctionnent au diesel vont être remplacés par des véhicules qui fonctionnent au biogaz ou à l'électricité ou par des hybrides, c'est-à-dire des diesel et électriques. La région Île-de-France Mobilité pense d'ores et déjà à convertir les centres bus pour de la recharge électrique. Merci beaucoup Natacha, demain pour le journal des sciences de la semaine. Qu'eût été la Première Guerre mondiale sans les petites Curie, ces voitures de radiologie qui permirent d'examiner des millions de soldats sur le front, ou des milliers en tout cas? Que serait aujourd'hui la médecine sans la radiologie et la capacité d'examiner les structures osseuses et les organes internes? Tout cela a été rendu possible, comme d'autres grandes découvertes de la science, par le plus pur des hasards. Il y a 125 ans, le 8 novembre 1895, Wilhelm Röntgen découvre cette étrange radiation dans son laboratoire. Le nom des rayons X vient lui-même du fait que ces radiations étaient imprévues et inconnues, d'où leur dénomination sous la lettre de l'inconnu parfait en science. C'est d'ailleurs souvent l'exemple que l'on prend avec notamment la découverte des premiers antibiotiques pour ce qu'on appelle la sérendipité, soit une découverte inattendue dont on comprend l'utilité. C'est ce que relate notre archive du jour. Nous sommes en avril 1970. Je voudrais vous parler très sérieusement de la genèse de certaines découvertes. Il s'agit donc de suivre, évidemment d'assez loin, les méandres et les aventures de la pensée des hommes de science. Et par conséquent, de faire intervenir des facteurs, disons purement humains, suivant les circonstances, les rencontres, les hasards, les détours imprévisibles de l'esprit qui souffle où il veut, suivant la formule connue. En somme, je voudrais faire un peu de petite heuristique. L'heuristique, je vous le rappelle, c'est la méthode qui conduit à la découverte. Comme on fait de la petite histoire, je ferai de la petite heuristique. Et comme cette dernière, la petite histoire, cette petite heuristique peut être très révélatrice. Eh bien ici, nous montrerons les hommes de science comme ils sont. Des hommes doués, parfois exceptionnels, mais des hommes. Pour commencer par le commencement, il faudrait examiner les raisons pour lesquelles le chercheur, le savant, s'adresse à tel ou tel domaine de la science, s'intéresse à tel ou tel phénomène, plutôt qu'à d'autres. Parmi les découvertes de sciences expérimentales, qui ont souvent comme point de départ une observation judicieuse, il faut faire alors intervenir en plus un élément important, qui est celui de l'étonnement. La novation est souvent étonnante. Nous perdons, beaucoup trop tôt en général, cette faculté de s'étonner, qui est l'apanage de l'enfance. Il arrive aussi qu'une hypothèse faisant réaliser une expérience qui démontre la fausseté de cette hypothèse, mais pourtant sur la voie d'une découverte par la valeur de l'expérience elle-même, qui n'aurait pas été tentée sans le stimulant de l'hypothèse. C'est ce qui s'est passé pour la découverte de la radioactivité par Becquerel, qui voulait vérifier une hypothèse de Henri Poincaré, hypothèse fausse, rapprochant la fluorescence du rayon X. Voilà Pierre Auger dans les grandes aventures de la science moderne en avril 1970. Peut-être un mot pour commencer, Renaud Huyn, sur cette sorte de hasard qui a conduit Röntgen à la découverte de ces rayons X. Alors est-ce un hasard ou est-ce une découverte inéluctable? Si ça n'avait pas été Röntgen, peut-être qu'un autre physicien aurait découvert ce phénomène-là, puisque tout ça rentre dans une mode, je dirais, sur les physiciens du XXe siècle s'intéressaient tous aux rayons cathodiques. Si ça n'avait pas été Röntgen, ça aurait été probablement un autre physicien qui aurait fait cette découverte. C'était dans la marche normale de la compréhension du rayonnement à la fin du XIXe siècle, en fait, c'est ce que vous dites. Oui. La plupart des physiciens essayaient de comprendre finalement, de comprendre la nature de l'électricité. Et pour cela, il fallait qu'ils étudient les rayons cathodiques. Et c'est dans le cadre de ces recherches que Röntgen a découvert. Alors, était-ce un hasard ou pas? C'est une vraie question. Et j'ai essayé de chercher d'ailleurs si pourquoi Röntgen avait mis du papier noir autour de son tube. C'est pas décrit dans la publication de Röntgen lui-même, et finalement, on ne sait pas pourquoi il a fait ça. Philippe Devret, votre sentiment sur cette sérendipité qui est une vilaine traduction du mot anglais? Oui, non, je partage cet avis, c'est-à-dire que probablement cette découverte a été à une date précise, mais elle aurait pu se faire dans les mois qui viennent. Je pense que l'intelligence de Röntgen, ça a été justement de mettre le doigt dessus, de tester différents matériaux avant de passer la main de sa femme. Et la stupéfaction, quand il a vu le squelette de sa femme, il a compris à ce moment-là qu'il tenait une découverte absolument incroyable. Alors justement, si on repart un peu de ce que vous disiez à l'instant, Renaud Huyn, c'est-à-dire de l'état des connaissances à la fin du 19e siècle, est-ce qu'on est encore dans la fascination pour ce qu'on appelait la fée électricité? En tout cas, on est indiscutablement en train d'essayer de comprendre exactement de quoi il s'agit. Quand Röntgen travaille, on n'a pas encore du tout de notion d'électron, on ne sait pas exactement ce que c'est que ce courant électrique. Non, et ce qui est fascinant, c'est toutes ces découvertes qui vont se dérouler dans une période très courte finalement. Mais ça s'inscrit dans tout le 19e siècle. Vous parliez de la découverte de l'électricité, il a fallu essayer de comprendre tout ça. Et puis surtout, la polémique était de savoir si quelle était la nature de cette électricité. Est-ce que c'était un fluide, c'était continu, ou est-ce que c'était au contraire un courant de particules, un phénomène discret? Et c'est la dualité onde-particule qui a été animée jusqu'à la fin jusqu'au début du XXe siècle, puisqu'il a fallu attendre les travaux d'Einstein pour essayer de comprendre tout ça. En partant de l'expérience d'Oersted que nous évoquions ici il y a quelques semaines, de quoi il s'agit? Parce qu'effectivement, donc il y a cette passion pour les rayons. Qu'est-ce qu'on comprend d'ailleurs comme étant un rayon? Qu'est-ce que c'est que cette notion de rayon à la fin du XIXe siècle, Renaud Huyn? Alors d'abord, on étudie, ce que faisait Faraday par exemple, c'est qu'il étudiait la formation des étincelles entre deux électrodes qui étaient placées dans une ampoule. Les électrodes sont sous tension, et en faisant varier la nature du gaz et la pression, on pouvait voir justement des phénomènes lumineux un peu particuliers, comme une fluorescence. Et ces rayons qu'on étudiait, c'était ceux qui étaient émis à partir de la cathode et qui étaient reçus par l'anode, ces fameux rayons cathodiques. Et on voit progressivement, autour des années 1860, qu'on peut arriver à créer des ombres avec ces rayons. Et c'était finalement dans une recherche de beaucoup de physiciens pour comprendre ces phénomènes. On ne connaissait pas, comme vous le disiez, l'électron. Ça viendra plus tard. Qui viendra un petit peu plus tard. Donc on essayait de comprendre finalement qu'est-ce que c'était que ces rayonnements lumineux, pas lumineux. Essayer de comprendre finalement ces phénomènes. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ça part de Faraday. On essaie de jouer avec justement ces sortes d'ampoules, et en faisant varier notamment la quantité d'air présent à l'intérieur, en commençant à faire le vide jusqu'à ce qu'on arrive à cette forme qui va être la forme utilisée plus tard par Röntgen pour son expérience. Oui, c'est le fameux tube de Crookes qui permet à la fois d'avoir une tension très élevée de l'ordre de 100 kV et puis d'avoir une pression très basse. ce qui permet justement de faire un vide poussé et d'étudier soit l'air, soit différents gaz dans ces fameux tubes de Crookes. Et c'est des tubes qui étaient dans tous les laboratoires, ce qui explique que la découverte de Röntgen aurait pu se faire dans un autre laboratoire. Et ce qui va d'ailleurs expliquer son extrême popularité. Un mot d'ailleurs, peut-être Philippe Devrette, sur ce contexte scientifique et épistémologique de la fin du 19e siècle et tous ces travaux, cette frénésie un peu de curiosité et de recherche autour de l'électricité. Et ce qui est intéressant justement, c'est que la population était intéressée à ces éléments. Et quand on voit que Röntgen a décrit a rédigé son premier papier au mois de décembre, ce papier est paru début janvier, ce qui est absolument 96, ce qui est à des délais absolument invraisemblables pour nous aujourd'hui, et que les journaux à grand tirage, en Allemagne, en Grande-Bretagne, à New York et à Paris, ont republié ces résultats entre le 7 janvier et le 10 janvier. Donc vous voyez, entre le laboratoire de Röntgen et le grand public, il a fallu 10 jours, 15 jours. Peut-être un mot justement sur ces fameux tubes de Crookes. Qu'apporte exactement William Crookes à ces tubes sous vide? Pourquoi est-ce que d'un seul coup, il en fait une sorte de standard, en quelques mots, Renaud Huyn? Alors il améliore finalement les tubes existants, comme le tube de Geissler, qui était l'ancêtre du néon, qui a été amélioré ensuite par Itorf. À chaque fois, c'était finalement des améliorations techniques. Par exemple, Crookes va introduire une cathode concave et une anode un petit peu décalée, ce qui va permettre justement une meilleure perception de ces fameux rayons cathodiques et va pouvoir les utiliser. Et puis surtout, c'est de pouvoir faire varier cette pression avec l'amélioration technique des pompes à vide qui permettaient de faire un vide plus ou moins poussé dans ces tubes. Qu'est-ce que c'est exactement que ces rayons cathodiques? Comment est-ce qu'on les comprend à la fin du 19e siècle? Ben justement, on ne les comprend pas. et il y a de vraies polémiques sur la nature de ces rayons cathodiques entre les Allemands qui considèrent que ce serait plutôt un rayonnement électromagnétique et puis les Français et les Anglais qui considèrent que ce serait plutôt des corpuscules. Et ça rejoint tous les débats qu'il y a pu y avoir autour de l'atome. Et on va voir que bien tout ça converge vers ce laboratoire de Wilhelm Röntgen et qui va l'amener à faire son expérience et donc pour la première fois à visualiser, non pas à identifier, en tout cas à nommer les rayons X. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h17, nous parlons donc de la découverte des rayons X, de l'expérience de Röntgen, et puis petit à petit de leur emploi, de leur compréhension, de leur usage jusqu'à la radiologie et la radiographie contemporaine. Nous en parlons avec Renaud Huyn et Philippe Devrède. Ça nous amène donc à cette fameuse expérience de Röntgen avec ces tubes de Crookes, comme pour toutes ces émissions d'Histoire des sciences, lorsqu'il faut refaire une expérience fondatrice de la science moderne. Céline Lezen est là. Bonjour Céline Lezen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous avez donc refait l'expérience de Röntgen. Oui, tout à fait. Pour cette expérience, il faut en fait un dispositif très simple, un générateur haute tension, un tube en verre, deux électrodes, et dans lequel on a fait le vide avec une pompe. Alors à cette époque, fin 19e, on cherchait à comprendre les phénomènes électriques induits dans des gaz à basse pression. Dans cette expérience, le passage du courant génère une lumière fluorescente, et surtout à très haute tension, il est possible de produire ces fameux rayons X. Alors à défaut de pouvoir les voir, on peut tout de même les mesurer grâce à un compteur Geiger. Camille Fadel, responsable du département physique du Palais de la Découverte, a refait cette expérience. Attention les oreilles. Nous sommes à la fin de l'année 1895. À cette époque, déjà depuis pas mal de temps, les physiciens s'intéressaient à ce qu'on appelait les rayons cathodiques. Et c'est à l'aide de ces rayons cathodiques que Röntgen, en novembre 1995, fait la découverte des rayons X. Et là, on a devant nous un dispositif très similaire. On a du coup un tube de Crookes, le tube dans lequel on a fait un bon vide. Donc c'est un tube avec deux électrodes, une anode, une cathode. Voilà. Il faut imaginer un tube, mettons, de 30 cm de long, allez, 5 cm de diamètre. Et quand on va mettre en route le dispositif, on va voir que le verre situé en face de la plaque négative va luire. Cette lueur-là ne doit pas nous intéresser, ça c'est encore autre chose. Ce qui va nous intéresser, c'est les rayons X qui sont produits lorsque les rayons cathodiques percutent le verre. Et comment est-ce qu'on va déceler ces rayons X? On a un compteur Geiger pour déceler les rayonnements ionisants comme ceux issus de la radioactivité par exemple, mais les rayons X étant ionisants, on va aussi les détecter. Alors si vous voulez, je peux maintenant allumer non pas le dispositif, non pas le tube de Crookes, mais le compteur Geiger pour qu'on voit à blanc ce que ça mesure. Voilà, ce qu'on est en train de mesurer. On va entendre les crépitements. Là, on est autour de 12... 12 becquerels, ça veut dire que le détecteur détecte 12 phénomènes ionisants par seconde. Bon, maintenant, j'applique la haute tension au niveau du tube et on va entendre que les crépitements augmentent. Haute tension, on monte à combien là en termes de... Nous, ici, on est plutôt dans les 10 000 volts. Bon, ben, je vais actionner. J'y vais. Voilà. Donc là, ce qu'on voit... c'est que d'abord le vert en face est en train d'émettre une lueur, moi je dirais verdâtre, je sais pas. Et en même temps, le Geiger est en train de détecter maintenant 3000 rayonnements ionisants par seconde. Ce que détecte le Geiger, ce sont les rayons X. Mais en 1895... Je vais couper. Oui. En 1895, quand Roentgen fait cette expérience, on ne connaît pas la nature. Non. De ces rayons X. Non. Ah non, oui, effectivement. On ne connaît donc, ni la nature des rayons cathodiques, ni la nature des rayons X. Pour autant, il arrive à les caractériser. Il sait qu'il s'agit de rayonnements absorbants, que voilà, la ensuite, matière absorbe relativement en fonction de l'épaisseur et de la densité. Par exemple, par la suite, on démontre que ces rayons X peuvent être absorbés tout de même par du plomb, qui est à condition que l'épaisseur soit suffisamment grande. Et surtout, Jean Perrin montre que les rayons X sont ionisants. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand Jean Perrin montre que les rayons X sont ionisants, on ne sait pas ce que sont les rayons X. Et on n'est même pas sûr de la nature des rayons cathodiques. Okay. Alors, du coup, on se trouve devant un autre dispositif expérimental, un peu sur le même schéma. Là, cette fois, on a affaire à un vrai tube à rayon X. On a, pareil, un tube dans lequel on a fait un bon vide, deux électrodes, la cathode, l'anode. Et la tension qu'on va appliquer, c'est quelque chose comme 20 000, peut-être 30 000 volts. Et ces électrons, lorsqu'ils vont percuter l'anode, leur énergie cinétique va brutalement chuter. Et par conservation d'énergie, l'essentiel de cette énergie cinétique va se transforme en énergie thermique, c'est-à-dire que la température de l'anode va grimper très haut, et puis une part de l'énergie, genre 1%, va donner naissance au rayon X, en fait, qu'on va détecter avec le Geiger comme tout à l'heure. Donc on peut appliquer la tension. On peut appliquer la haute tension, mais déjà je vais mettre en route le Geiger. Maintenant, le tube à rayon X, je vais le brancher sur la source de haute tension. Voilà. Je place le Geiger non loin du tube à rayon X. On y va. 1, 2 et 3. Donc là, on monte à 15. Là, on est 15 000 becquerels. On produit pas mal de rayons X en ce moment. Et là, on voit un arc électrique se former. Alors, l'arc qu'on voit au niveau de la source de haute tension, c'est pour la haute tension, c'est un peu un parasite, on va dire, pour nous. Mais on voit bien que le tube à rayon X, lui, il luit très fort. Les rayons X, évidemment, on ne les voit pas. Bon, je vais couper, je vais arrêter la haute tension. Ouh. Bon. On a absorbé une certaine quantité de rayons X. On a absorbé pas mal de rayons X, là. Bon, rien de spécialement dangereux, bien sûr. Voilà, en tout cas, on a bien vu que le Geiger a grimpé à 15 000 ou 16 000 becquerels. Ce qui est intéressant, c'est si on pouvait mettre un cache au-dessus de... On pourrait par exemple maintenant on pourrait par exemple mettre sur le Geiger des plaques de plomb de différentes épaisseurs pour voir à partir de quelle épaisseur le Geiger n'arrive plus à détecter, ce qui nous indiquerait le pouvoir pénétrant des rayons X. Et ça, ce sont justement toutes les séances que par la suite les gens font. Roentgen lui-même au départ, et puis quand il met sa main, il voit que manifestement ses os empêche les rayons X de les franchir. Donc la radiographie, le principe de la radiographie, c'est ça. Il réalise en tout cas le premier cliché radiographique, voilà. Notamment avec la main de sa femme. Avec la fameuse bague de sa femme à son doigt, oui, tout à fait. Voilà, ça fait partie de la légende de l'histoire des sciences, cette fameuse radiographie avec la bague au doigt. Est-ce la radiographie de la femme de Wilhelm Roentgen ou pas? Peut-être avant d'essayer de percer ce mystère, si tant est qu'on puisse le percer, une réaction à ce que vous venez d'entendre, Renaud Huyn. cette expérience et au talent incroyable dont nous parlions hors antenne de Camille Fadel pour vulgariser, pour reproduire ce type d'expérimentation. Oui, je crois que Camille a réussi à expliquer en quelques minutes l'essentiel de ce qu'il fallait comprendre sur ces tubes, leur fonctionnement, et ça, je trouve ça remarquable. Mais il le fait sur d'autres sujets, c'est quelqu'un de passionnant. Et oui, bah par ailleurs, je peux préciser que outre le fait que vous avez vécu ça comme si vous y étiez grâce à vos oreilles, vous pouvez, si vous le souhaitez vraiment, rajouter la composante visuelle via notre fil Twitter @lamedadac. Nous avons posté un petit film qui vous permettrait de visualiser, mais je pense que le reportage était suffisamment visuel comme cela. Peut-être un mot, Philippe Devrède, à propos de ce reportage. Oui, non, c'est extrêmement intéressant et ça montre bien que avec un matériel qu'on peut reconstituer, on peut reproduire exactement l'expérience de Röntgen. Alors, on va reparler un peu et on va essayer de on n'a pas besoin de la décrire puisqu'on vient de la voir, mais peut-être justement cette question Renouine que vous souleviez tout à l'heure, on a bien compris qu'on ne sait pas exactement, mais est-ce qu'on a une idée de ce que Röntgen cherche exactement à faire en recouvrant tout comme ça ces ampoules avec un écran de plastocyanure de barium? Est-ce qu'on a une idée de l'endroit vers lequel il essayait d'aller expérimentalement? Est-ce qu'il l'écrit d'ailleurs dans ses différentes publications? Mais ça soulève une autre question. Est-ce qu'il faut forcément avoir une vision de l'expérience qu'on est en train de mener? C'est un vrai débat qui finalement soulève la question de la recherche fondamentale. Est-ce que Röntgen était vraiment en train de chercher quelque chose ou est-ce qu'il était en train d'étudier le phénomène des rayons cathodiques? C'est assez difficile de le dire quand on regarde la publication de Röntgen, puisque je suis allé jusqu'au bout des textes justement pour chercher pour quelle raison il avait mis ce carton noir qui a finalement occasionné cette découverte des rayons X, et je ne l'ai pas trouvé. Ce qui est assez surprenant, c'est que Röntgen, finalement, dans sa publication, celle qui fait date, celle du 28 décembre 1895, reprend toutes les recherches qu'il avait réalisées à partir du 8 novembre. Et c'est à se demander si finalement, pendant ces 20 jours, il s'était pas enfermé justement pour garder cette découverte et pour avoir fait le tour des effets de ces rayonnements. Après, on se posera la question de la nature des rayons, mais finalement, Röntgen va mener toute une série d'expériences qui va le conduire à émettre un certain nombre d'observations, cette fluorescence, les rayons X, etc. Alors, quelles sont-elles justement dans ce papier de décembre 95? Quelles sont ses conclusions sur, puisqu'il y aura trois papiers, sur ce premier papier, quelles sont les conclusions que Röntgen tire? Alors déjà, le titre, c'est sur une nouvelle sorte de rayon. Donc c'est un nouveau type de rayonnement qui est invisible à l'œil nu. Et il propose déjà une dénomination, le fameux X de l'inconnu mathématique. Ça, c'est une première conclusion. Il observe également qu'il y a une fluorescence qui est induite à distance, malgré le fait qu'il est recouvert de papier noir, donc à l'abri de la lumière visible, son tube de Crookes. Donc ça, il y a un effet à distance finalement de ces rayonnements. Et puis surtout, ce sont des rayonnements qui traversent les corps opaques en fonction de la nature des corps, de leur épaisseur. Et on voit là qu'il va expérimenter tout un tas d'objets qu'il a probablement dans son laboratoire. Tout d'abord un livre de 1000 pages. Et il se rend compte que le papier est relativement transparent. Il essaye avec des plaques de métal. Et le 22 décembre, il demande à sa femme de prêter sa main à cette expérience. Et c'est selon un certain nombre de sources, la première radiographie qui a été réalisée par Röntgen. On ne sait pas si lui-même a prêté sa propre main à l'expérience, mais en tout cas, la radiographie de la main de Bertha Röntgen est un document qui est connu, qui a été diffusé. Mais ce n'est pas réellement le document qui a été présenté à l'Académie des sciences par Röntgen, où là, c'était la main d'un médecin anatomiste qui s'appelait Kölliker, qui avait prêté sa main pour cette expérience. Alors peut-être une question avec nos connaissances pour s'extraire du strict cadre chronologique, Philippe Devrède, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'aujourd'hui, puisque maintenant on le sait, qu'est-ce qui s'est exactement passé dans ces tubes de Crookes pendant l'expérience de Röntgen? Pourquoi cette production de rayons X? Alors là, vous me posez une question que je ne saurais répondre. Non, si vous voulez, les radiologues aujourd'hui, nous sommes nous sommes plus tellement des biophysiciens, nous sommes des utilisateurs clinique de ces techniques, et nous avons une grande vénération pour Röntgen qui nous a ouvert ce grand champ d'exploration. Alors on reviendra effectivement plus tôt, c'était maladroit de ma part de m'adresser à vous pour cette question-là, parce qu'on reviendra avec vous effectivement sur le champ de la radiologie plus précisément. Peut-être un mot, Renaud-Mine, est-ce qu'on peut décrire aujourd'hui ce qui se passe quand on imprime ces courants dans le vide, et pourquoi est-ce que ça génère ce niveau de rayon X que Röntgen a pu constater? Oui, et puis surtout, il y a quelque chose d'important dans les observations de Röntgen, c'est que ces rayonnements sont invisibles à l'œil nu, mais ils impressionnent les plaques photographiques. Et pour le coup, on peut très vite faire des radiographies, et même des radioscopies, c'est-à-dire observer le corps vivant. Et très rapidement, c'est ça qui est encore plus surprenant, on fait aussi de la radiothérapie, c'est-à-dire qu'on va utiliser ces sources de rayons X, non seulement pour l'imagerie médicale, pour le diagnostic, mais aussi pour soigner un certain nombre de pathologies qu'on ne savait pas trop soigner à l'époque. Ce qui est intéressant, c'est que très très vite, Röntgen va envoyer son travail à une kyrielle de savants. C'est-à-dire que ses travaux vont très vite diffusés partout en Europe. Hein. Il l'envoie notamment à Boltzmann, à Kelvin, à Stokes et à Poincaré. Et tout de suite, ça va susciter immédiatement beaucoup beaucoup d'enthousiasme. Alors en effet, il n'y avait pas Internet à l'époque, mais il y avait quand même un réseau de communication parmi toutes ces académies des sciences. Et c'est vrai que ça va nourrir un certain nombre de travaux. On peut dénombrer plus d'un millier d'articles simplement pour l'année 1896 qui sont consacrés. Considérable. Ce qui est énorme, dont 100, une centaine réalisés par l'Académie des sciences française. Donc c'est effectivement une découverte qui va générer beaucoup, beaucoup de publications. Et donc un énorme ou un très impressionnant engouement collectif. Röntgen lui-même va poursuivre, mais assez peu de temps, c'est-à-dire qu'il écrit deux autres papiers en 96, le 5 mars 96 et le 13 mai 97. Qu'est-ce qu'il ajoute dans ces papiers qui n'étaient pas précisés dans ses conclusions du premier papier de décembre 95, Renaud-Wynne? Tout était quasiment dit dans le premier papier, les autres papiers sont des compléments, mais c'est vrai que c'est assez surprenant de voir que Röntgen ne va pas prolonger finalement au-delà de ce qu'il avait déjà publié, ses recherches sur les rayons X. Alors il était déjà finalement dans une carrière bien avancée, lorsqu'il découvre les rayons X il a 50 ans, et après ce sont d'autres physiciens, mais aussi des médecins qui vont s'emparer de ces travaux. On va y revenir dans quelques instants dans la deuxième partie de cette émission. Cette découverte lui vaudra le premier prix Nobel de l'histoire en 1901. Oui, c'est le premier prix Nobel de physique qui est remis à Röntgen en 1901, mais la découverte finalement de ces rayons X va générer directement ou indirectement près de 6 prix Nobel. Je pense notamment à celui de Max von Laue qui va découvrir la nature électromagnétique de ces rayons X, qui obtient le prix Nobel en 1914. Il y a Barclay qui obtient un prix Nobel en 1917. Auparavant, Bragg qui avait étudié aussi ce phénomène en obtient un. Il y a Compton aussi en 1927. Et puis plus récemment, la découverte de l'ADN finalement va être liée aux rayons X, et le prix Nobel de Crick et Watson en 1962 est lié également à cette découverte. Et un dernier mot peut-être à propos de Röntgen, ce qui est intéressant et assez peut-être surprenant avec notre point de vue contemporain, c'est que après son papier de 97, il arrête complètement les recherches sur les rayons X. Finalement, ça ne l'intéresse plus. Il ne publie plus sur ce sujet. Il publie très peu sur d'autres sujets. C'est peut-être, comme je le disais juste à l'instant, qu'il avait déjà considéré avoir fait le tour du sujet. Puis l'hypothèse qu'il émet à la fin de sa publication pour comprendre la nature de ces rayonnements. Quelle est-elle, cette hypothèse? Alors, il pense que la production de ces rayons cathodiques est une vibration longitudinale de l'éther. Ça rejoint un petit peu toutes les discussions qu'il y a eu à la fin du 19e, au début du 20e, pour essayer de comprendre finalement cette dualité onde-corpuscule. On va poursuivre notre histoire des rayons X. On va voir comment elle se distribue très rapidement dans le domaine de la médecine notamment, mais pas uniquement. On va voir comment justement elle produit beaucoup de curiosité, beaucoup de recherches, beaucoup de savoir tout au long du XXe siècle. Mais avant de ça, tendez l'oreille, notre pause musicale du jour gratte un peu, mais ça vaut le coup. Car les rayons X, chanté par Madame Rolligny. Les rayons X sont certainement d'une lumière très commode pour contempler secrètement les petites femmes à la mode. Ces rayons vraiment frôlissants vous font voir tant mystère. même dans tous les corps. Regardez si vos endroits secrets ne contiennent pas de cigares. Mais vous restez vraiment papa quand un douanier sévère aperçoit des blagues à papa dans le corset de votre belle-mère. Il paraît que ça passe à travers tout, partout, partout. Ça passe et ça repasse dans les petits trous, partout, partout. Et l'on n'a pas même le temps d'y passer. Qu'on est déjà rayon, rayon, rayonixé. Y'a que le métal pour résister à ces rayons bizarres. Les petites femmes afin de protester vont se faire nicler d'ardeur. Les demi-mondaines se font dorer, mais les femmes sans galettes sont forcées de se faire étamer, des pieds jusqu'à la tête. Il paraît que ça passe à travers tout, partout, partout. Ça passe et ça repasse dans les petits trous, partout, partout. Mais quand tout le monde sera métallisé, on ne pourra plus rayon, rayon, rayonixer. Voilà, c'est un enregistrement, comme vous l'entendez, d'assez mauvaise qualité, mais on n'a pas résisté sous les suggestions de Renaud Huyn à vous diffuser cette chanson Gare les rayons X, créée par Yvette Guilbert et enregistrée par Madame Rollini. C'est un enregistrement tout début du 20e siècle, 1902. A priori, un mot tout de même, Renaud Huyn, comment est-ce que vous avez mis le doigt sur cette pépite? Oh, vous savez, il y a des mystères, parfois on ne sait même pas d'où viennent nos archives. Non, mais c'est surtout ce qui était intéressant dans ce document, c'est de montrer que finalement cette découverte, qui est une découverte en physique, va d'abord être reprise par le grand public avant d'intéresser la communauté médicale. Ça n'a pas été si immédiat, et dans le public, il y avait effectivement des choses assez étonnantes qu'on peut voir dans la presse de l'époque. Il y avait beaucoup de soirées où on faisait des démonstrations de rayons X, où on faisait briller des objets en verre ou des choses comme ça. Et c'était pour illustrer cet engouement qu'on allait chercher, s'acheter des chaussures dans les grands boulevards, on pouvait se faire radiographier le pied pour voir si la pointure était correcte. Bref, c'était aussi une époque assez curieuse où les applications, enfin les découvertes scientifiques avaient un retentissement assez rapide sur le public. Avant qu'on ait conscience évidemment de l'aspect dangereux de l'exposition, de la surexposition au rayon X, ce que vous décrivez là a pu être vrai pour le radium aussi, qu'on mettait partout dans les dentifrices, c'est une découverte qui a diffusé largement dans la société, dans le grand public. Vous aurez compris que nous parlons donc des rayons X tout au long de cette heure, en compagnie de Renaud Huyn, qui est directeur du musée Curie, et Philippe Devrède, qui est professeur à la retraite de radiologie à l'hôpital de la Timone à Marseille. On l'a dit, en tout et pour tout, 6 prix Nobel. À partir de quel moment, justement, Philippe Devrède, les rayons X deviennent un élément qui va ouvrir le champ de cette nouvelle discipline qu'est la radiologie? C'est devenu très très rapidement, puisque dès que la publication de Röntgen est effectuée, le 20 janvier, une première radio réalisée en France par Barthélémy Houdin a été présentée à l'Académie des sciences. Et là, les réactions ont été diverses. Certains, comme le doyen de la faculté de médecine, a dit les rayons X sont une mystification. D'autres disent c'est très intéressant, mais ça n'aura aucune application en médecine. Et heureusement, d'autres, comme Antoine Béclair, ont pris immédiatement ce chemin en disant que c'était l'avenir de la médecine et qu'il fallait développer ces rayons X. Aussi bien, ils ont commencé à installer dans les hôpitaux, par exemple Antoine Béclair a installé dans son service à l'hôpital Tenon, à ses frais, un premier appareil de radiologie, du moins pour essayer d'apporter et de développer cette technique au sein de l'hôpital. Donc vous voyez, c'était dès 1897, Béclair, hein. Donc oui, deux ans après Röntgen. Oui, absolument. La première radio en France, c'est 96, et les premières installations, c'était avant 1900. En 1900, il y avait déjà plusieurs hôpitaux équipés à Paris, Montpellier, Lyon, Toulouse, Rennes. Tous ces hôpitaux avaient des petits services de radiologie. Alors ça, c'est pour la radiologie. Renaud Huyne, peut-être un mot sur la façon dont ça diffuse, parce que les rayons X vont, comme une sorte de cascade, permettre un certain nombre de découvertes très importantes, essentielles finalement à la physique contemporaine du XXe siècle, qui vont de l'électron à la radioactivité avec Becquerel. Alors c'est une découverte effectivement qui va contribuer à la connaissance de la structure de l'atome, d'essayer de comprendre finalement ces atomes qu'on considérait comme la partie la plus intime de la matière insécable. On se rend compte avec Röntgen qu'il y a des rayonnements un petit peu nouveaux, et on se rend compte avec la découverte de la radioactivité que même des atomes sont capables de se transformer. Donc ça remet en cause beaucoup de concepts qui étaient en vogue à l'époque. Mais je reviens quand même sur Antoine Becquerel, parce que c'est quand même un des pionniers de la radiologie. Il a eu beaucoup de difficultés à se faire accepter et à pouvoir créer son service de radiologie. Et en 1896, on communique déjà sur la guérison par radiothérapie d'un cancer de l'estomac. C'est Victor Despeignes à Lyon qui annonce aussi qu'il a réussi à réduire la tumeur de son patient. Alors malheureusement, il est décédé quand même. Mais pour répondre à votre question, finalement, les applications les plus spectaculaires et les plus importantes sont quand même dans le domaine médical. Dans le domaine quoi, bien sûr. Pour l'imagerie médicale ou pour la radiothérapie. On va revenir au domaine médical dans un instant, mais tout de même, là, je ne résiste pas à la tentation de citer Jean Perrin sur la découverte expérimentale de l'électron en 97, donc là aussi très très peu de temps après, deux ans même pas, un an et demi après, qui dit cette découverte dérivée directement de l'emploi des rayons X discréditait à jamais la théorie de l'insécabilité de l'atome. Idem pour Becquerel à propos de la radioactivité, qui dit « Depuis le jour où j'avais eu connaissance de la découverte du professeur Röntgen, il m'était venu à l'idée de rechercher si la propriété d'émettre des rayons très pénétrants n'était pas intimement liée à la phosphorescence. » Oui, mais tout est dit dans cette citation, mais c'est vrai qu'il y a un enchaînement de découvertes assez surprenant, c'est-à-dire qu'en décembre 1895, on découvre les rayons X, en mars 1896, c'est la radioactivité, en 1897, on découvre ces corpuscules d'électricité, les fameux électrons, en 1898, c'est deux nouveaux éléments chimiques qu'on découvre par leurs propriétés ionisantes, le polonium, le radium, 1899, l'actinium, 1900, on connaît déjà les rayonnements alpha, bêta, gamma. Tout va très très vite dans le domaine des découvertes scientifiques. Alors, et d'ailleurs, si on revient à la question de la radiologie avec vous, Philippe Devrède, donc Becquerel installe ses petits cabinets ou de radiologie portable, d'abord à Thenon, puis à Saint-Antoine, et puis va venir là-dessus se greffer un nom bien connu, celui de Marie Curie. Quel est le rôle, comment intervient Marie Curie qui secondait Becquerel à cette époque-là? Mais c'était à l'époque, il y avait une fusion entre les biophysiciens et les médecins qui s'intéressaient aux rayons X, et cette entente a duré quelques années parce que justement les médecins avaient besoin d'avoir une compétence et comprendre un peu ce qu'il se passait. Donc ils avaient vraiment besoin des biophysiciens. Et c'est Antoine Becquerel lui-même qui, au bout de quelques temps, s'est dit « Mais si on veut développer cette technique en médecine, il faut que ça soit des médecins qui s'en occupent. » Et c'est là où il a décidé de créer la Société française de radiologie, de commencer à faire un enseignement de radiologie qui s'est répandu et on a commencé vraiment à sortir un noyau médical important dans les hôpitaux pour faire de la radiologie. Société française de radiologie, qui est de la Société de radiologie médicale d'ailleurs de Paris, qui est créée en 1909. Elle a changé de nom, mais au début c'était la Société de radiologie médicale. C'est ça. Et à l'époque, du coup, il y a un engouement qui fait qu'on pratique de la radiologie un peu à tout bout de champ, y compris dans des conditions de sécurité sanitaire qui semblent aujourd'hui complètement déraisonnables, notamment sur des femmes enceintes, par exemple, Philippe Devrède. Oui, c'est-à-dire qu'on n'était absolument pas au courant on n'avait pas compris qu'il y avait des problèmes. On a commencé à comprendre des problèmes quand les premiers radiologues ont vu des lésions au niveau des doigts de radiodermite, quand on a commencé à les amputer, quand on a fait des radios et que les personnes perdaient leurs cheveux parce que le temps de pose était très élevé. Donc, si vous voulez, la complication, les risques des rayons X sont venus secondairement. Et c'est vrai. C'est-à-dire à partir de quelle époque, à peu près? Oh, mais ça a commencé, si vous voulez, pendant la guerre de 14. On a commencé à s'en rendre compte. Avant, le risque, c'était l'électrocution. Les installations étaient tellement compliquées au point de vue électrique qu'il y a quelques radiologues qui sont morts d'électrocution. Pas de patients, mais des radiologues. Et vous, vous disiez que les temps d'exposition étaient très longs, c'est-à-dire que à cette époque, comment on pratique justement en 1909, à l'année de création de cette société de radiologie médicale de Paris, comment est-ce qu'on pratique justement dans le cadre hospitalier ces radiographies, Philippe Devrède? On faisait beaucoup de radioscopie, c'est-à-dire on étudiait les mouvements sans forcément faire de clichés, parce que les plaques étaient relativement chères et on ne faisait des plaques que beaucoup plus rarement. Mais les temps de pose pour les plaques étaient relativement longs, ça se comptait quelquefois en 15-20 minutes immobiles pour obtenir une plaque de qualité, ce qui est totalement inimaginable aujourd'hui. Et du coup, il faut aussi préciser que ces petits cabinets de radiologie se généralisent à très grande vitesse parce qu'ils sont très simples à installer. Comment est-ce qu'on a amélioré d'ailleurs le principe et l'expérience de Röntgen pour arriver? Ils ressemblent à quoi ces petits cabinets de radiologie du début du XXe siècle, Philippe Devrède? Bah écoutez, il y avait des personnes qui se déplaçaient même à bicyclette pour aller faire des radios chez les gens, et ça tenait dans une caisse qui faisait à peu près 50 centimètres de côté, et ils arrivaient à tout mettre dedans pour faire des radios. Donc si vous voulez, ils avaient réussi à réduire au maximum le matériel, et effectivement, n'ayant aucune notion du risque, ils ont diffusé ça un petit peu partout. Aussi bien les militaires, par exemple, avant la guerre de 14, il y avait les conquêtes africaines du Maroc. L'armée était équipée de systèmes de radio portables avec dans des caisses à dos d'âne et qui transportaient lors des expéditions. Donc, si vous voulez, très vite, ça envahit tous les secteurs de la société. Oui, ça va être évidemment le développement de ce qu'on a appelé les petites curies. D'ailleurs, on l'a attribué à Marie Curie, mais ces systèmes transportables existaient déjà avant. Quel est l'apport de Marie Curie justement à cette diffusion de la radiographie de front? Puisque ce qui est vrai pour la France sera également vrai pour l'Allemagne. Il y a deux choix opposés entre l'Allemagne et la France. L'Allemagne n'avait pas confiance dans la mécanique auto, alors que maintenant ils ont une grande confiance. Et donc ils préféraient avoir des machines tirées par des chevaux, en se disant si un cheval meurt, on peut le remplacer. Si une voiture tombe en panne, on peut pas. Et en France, on a choisi la voiture parce qu'il existait déjà, avant que Marie Curie s'intéresse à ce problème, il y avait déjà des gens qui avaient monté des systèmes de radio sur des voitures, et en particulier Monsieur Massiot, qui était un constructeur d'appareils de radio, avait une très belle automobile qui était une camionnette, qui était équipée et qui a été réquisitionnée au début de la guerre. Et Massiot a été réquisitionné pour justement, ça a été la première voiture radio au front grâce à ce qu'il avait créé avant. Après, ces voitures, si vous voulez, elles se sont développées pas immédiatement, parce que au début, l'armée imaginait qu'il fallait transporter les blessés à l'arrière du front pour les soigner, et justement, les radiologues et les chirurgiens ont insisté pour qu'on se rapproche du front en disant il y a une perte de chance importante quand on déplace un blessé, donc il vaut mieux s'en occuper au front directement. Où on a mis en place ces petites machines de radiologie extrêmement faciles à déplacer et une collaboration entre radiologues et chirurgiens pour effectuer les actes en urgence. Qui avait pour objectif premier de radiographier les éclats d'obus ou les balles qui étaient à l'intérieur des corps plus que les fractures à l'époque? Voilà, il y avait les deux. Il y avait les fractures compliquées et il y avait l'extraction des corps étrangers avec des calculs extrêmement savants parce qu'ils avaient pas beaucoup de possibilités pour faire des radios dans deux plans de l'espace. Donc il y a des radiologues comme Hirtz, par exemple, qui ont créé des outils pour essayer de calculer. C'était des très très bons, ils avaient une très bonne notion de géométrie dans l'espace pour calculer l'emplacement exact des corps étrangers, pouvoir les extraire au mieux. Et ils le faisaient souvent sous scopie, en pair opératoire, chirurgien et radiologue ensemble. Renaud Huyn, un commentaire général sur ce développement de la radiographie et de la radioscopie grand public? Je crois qu'en effet, la période de la Première Guerre mondiale a marqué un développement fulgurant de ces techniques. Les véhicules radiologiques existaient déjà. Massiot avait fait le sien dès 1904. On les voit dans la revue Nature. Mais finalement, le fait d'équiper les hôpitaux avec des postes fixes, d'équiper des véhicules mobiles avec ces postes, et surtout la formation des médecins. On parle des médecins, des chirurgiens, des radiologues. Il fallait aussi des techniciens pour faire fonctionner ces appareils. Et c'était du matériel très simple. Et cette période de la Première Guerre mondiale, à mon sens, va permettre aux médecins de s'approprier cette technique qui auparavant, et c'est les critiques que certains collègues faisaient à Becler, ont considéré que c'était une technique assez éloignée de la médecine qui était plus une technique de photographie. Finalement, juste avant-guerre, 1912, on découvre la nature de ces rayonnements. Et puis, pendant la guerre, on se rend bien compte que ces images ont un grand intérêt pour la médecine en général et notamment pour la médecine de guerre. Philippe Devrède, à partir de quel moment et sur quelle base on commence à réaliser que ces rayons X, comme le disait tout à l'heure Renaud Huyn, ont aussi une vertu curative, notamment sur les cancers? C'est-à-dire à partir de quel moment débute véritablement la radiothérapie? Oh, très rapidement. On s'est rendu compte très rapidement que les rayons X avaient un rôle... du moins on l'a pas évalué comme ça au début, mais avait une capacité à faire fondre certains types de tumeurs, les faire diminuer de volume, qu'elles soient bénignes ou malignes, et la radiothérapie a été utilisée vraiment de façon très très importante dans plein de domaines qui aujourd'hui d'ailleurs on n'imaginait plus. Par exemple, le fibromutérin était irradié, il y avait les cancers bien évidemment, mais ça avait ce côté rassurant parce que ça faisait diminuer le volume des tumeurs, et ça, quelquefois, ça guérissait complètement les gens, évidemment. Et du coup, pour le coup, les techniques de radiothérapie n'étaient pas exactement similaires à celles de radiographie ou de radiologie. Comment est-ce que les appareils se sont spécialisés pour devenir deux types de techniques et deux types de branches médicales différentes, à savoir la radiologie d'un côté et la radiothérapie de l'autre? Mais ça s'est séparé très tardivement, parce que quand vous lisez les journaux de radiologie de 1920-25, vous avez encore moitié article de radiothérapie, moitié article de diagnostic fait par les mêmes auteurs. C'est-à-dire que des gens comme Becler, ils partageaient leur temps entre la radiothérapie et le radiodiagnostic. Si vous voulez, c'était pas des structures différentes, c'était pas des équipements différents. Ça s'est différencié plus tardivement dans les années 30-40 à peu près, et ça finit par se séparer complètement après d'ailleurs. Et parce que, évidemment, comment, au fur et à mesure, en constatant les effets délétères des rayons X, on a compris que la radiothérapie, ça n'était pas juste une exposition massive aux rayons X, mais qu'il fallait une exposition ciblée, une exposition mesurée. Tout ça, ça s'est déroulé comment, Philippe Devrède? Ben, ils ont commencé par se rendre compte, par exemple, que quand on faisait de la radiothérapie, qu'on essayait de faire de la radiothérapie profonde, il y avait des lésions cutanées superficielles extrêmement importantes liées à cette radiothérapie. Donc là, ils ont commencé à se dire, ils appelaient ça un coup de soleil, mais ça allait beaucoup plus loin que ça, c'était une véritable brûlure. Et donc, progressivement, on s'est mis à rechercher des techniques pour croiser les faisceaux et essayer d'atteindre se centrer sur une cible et essayer d'éviter de tout traverser comme ils faisaient jusque là. Donc ça, c'était des travaux qui ont mis un certain temps avant de comprendre. Si vous voulez, la dangerosité du rayon X, on en a vraiment pris conscience dans les années 20-30, qui était érigé à Hambourg en 1936, au martyr de la radiologie. Mais parmi les premiers radiologues, beaucoup, beaucoup sont morts avec des amputations successives ou avec des lymphomes ou des choses comme ça. Becler lui-même, il laisse deux phalanges. Oui, absolument. Oui. Renaud Huyn, à propos de ce virage vers la radiothérapie? En effet, ça démarre finalement assez vite avec des pionniers. Moi, je pense notamment au docteur Regaud. Le docteur Regaud, c'était un médecin histologiste qui avait étudié et qui avait décrit très vite qu'il y avait un effet tératogène de ces rayonnements. Il avait étudié les cellules spermatiques, les avait irradiées et s'était rendu compte que plus une cellule proliférait rapidement, plus elle était sensible aux radiations. Donc, presque une dizaine d'années après la découverte de Röntgen, on posait déjà les bases scientifiques de la radiothérapie, puis de la dosimétrie. C'est-à-dire, une dose à un moment donné se révèle moins efficace que des doses fractionnées. Donc, tout ceci va avancer relativement lentement, finalement, jusqu'aux années 20, comme le disait monsieur. C'était quelque chose qui se construisait avec l'évolution des connaissances. Mais il y a quand même certains pionniers qui avaient découvert ces phénomènes-là, et je pense notamment au docteur Regaud, qui va former aussi d'autres médecins dans cette nouvelle spécialité qui était la radiothérapie. Et puis, on va se rendre compte que ces rayons X, ce sont aussi des messagers cosmiques, et qu'il n'y en a pas que dans l'émission bien d'un certain nombre d'un certain type de radiation terrestre, mais qu'on en reçoit du ciel et que ça peut être un des messagers de l'exploration du cosmos, Renovine. Alors là-dessus... Alors ça s'éloigne un petit peu de mon sujet, mais oui, et de toute façon ces rayons cosmiques, déjà dès l'étude des tubes de Crookes, on se rendait compte que ces rayons cosmiques ou que les rayons radioactifs ionisaient l'air et pouvaient avoir un effet. Un mot pour conclure, Philippe Devrède, aujourd'hui dans l'utilisation et l'exploitation des rayons X, quels sont les derniers apports à la radiologie, à la radiographie et à la radiothérapie d'autre part, qui font qu'aujourd'hui ces rayons X sont totalement maîtrisés, qu'on en a l'usage extrêmement pointu et précis que l'on peut en avoir dans la pratique médicale courante. Si vous voulez, on continue à faire un peu de radiologie standard, quand je dis un peu, et en thorax, mais avec des appareils qui ont extrêmement progressé. Parce que dans les listes de prix Nobel, il faut pas oublier Charpak, qui a inventé une nouvelle anode qui permet d'économiser les rayons d'une façon considérable, avec des doses qui ont vraiment chuté par rapport à ce qu'on faisait. Donc, si vous voulez, on continue à faire de la radiologie dite conventionnelle, mais le développement, c'est quand même la tomodensitométrie, le scanner, qui permet d'avoir une précision anatomique absolument remarquable. Et quand je vois qu'on a découvert récemment deux petites glandes salivaires, il nous est arrivé avec les débuts du scanner de découvrir des choses que les anatomistes n'avaient jamais décrites. Comme par exemple la morphologie des surrénales ou des structures qu'on a eu du mal à interpréter dans le péritoine, parce que toute l'anatomie reposait sur la chirurgie qui chaque fois réclinait les structures ou les dissections, alors que l'intérêt de l'imagerie en coupe, c'est de préserver l'anatomie dans sa position naturelle et de voir toutes ces choses. Donc ça a été vraiment un progrès, et aujourd'hui encore, malgré l'IRM et les ultrasons, le scanner continue à se développer parce qu'il apporte des choses considérables au point de vue dynamique. C'est-à-dire que face aux nouvelles techniques d'imagerie, et on sait qu'aujourd'hui il y a des techniques d'imagerie qui peuvent permettre de voir à travers notamment, je ne sais pas, des sarcophages sans avoir besoin de les ouvrir, qu'on peut utiliser des imageries à base de... Oui, dites-moi. Oui, bien sûr, ça a beaucoup intéressé. Ça, c'est en dehors, si vous voulez, de la médecine, mais il y a beaucoup de gens qui sont intéressés aux tableaux, justement aux sarcophages, aux momies, à tous ces éléments-là. Mais il y a des techniques qui n'utilisent plus les rayons X aujourd'hui. C'est-à-dire que les rayons X sont encore d'actualité, on s'en sert encore aujourd'hui. Ils ont encore un peu une belle vie devant eux, selon vous? Oui, parce qu'on arrive à une précision, et une définition qui est absolument remarquable, si vous voulez. Et donc, c'est extrêmement rapide à utiliser. Quand vous voulez aujourd'hui, par exemple, si j'oppose le scanner et l'IRM, l'IRM apporte des choses remarquables, mais c'est un examen qui est long, qui prend du temps, qui prend une vingtaine de minutes ou 45 minutes. Le malade doit être immobile, alors qu'un scanner se fait en quelques secondes, quelques minutes. Donc, si vous voulez, le rayon X aujourd'hui est encore pas mal utilisé parce que dans certains domaines il est heureux et extrêmement rapide. Renaud, un mot de conclusion sur la pérennité du rayon X en 2020. Bon, je crois qu'il y a encore de belles années devant nous, puisque on l'utilise couramment dans les cabinets dentaires pour faire des radiographies. Enfin, c'est encore une source de rayonnement qui va être utile pour quelques décennies. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Philippe Devrède, merci Renaud Wynne d'être venu nous parler de cette histoire des rayons X. Je vous rappelle que nous sommes jeudi aujourd'hui, mais depuis hier, j'avais oublié de vous en parler. Vous pouvez retrouver les idées claires en podcast sur l'application Radio France et ainsi que sur les réseaux sociaux de France Culture et de France Info avec cette question. Cette semaine, est-ce que l'allongement de la durée d'avortement légal à 14 semaines pose des problèmes éthiques? Voilà. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, à Vétienne, Céline Lezen, François Malordi, Natacha Triou, Noémie Naguette, Saint-Vulfranc, Antoine Beauchamp, Hélène Trigueros à la réalisation, Alex Dang à la technique. Demain, c'est un vendredi table ronde consacrée à l'actualité des sciences et de la recherche. Il sera question d'anthropologie anarchiste, d'un tour d'horizon de la recherche vaccinale contre le Covid-19 et du mystère de lieu de naissance des anguilles qui sera enfin levé. On se retrouve demain matin à 7h15 pour la radiographie hebdomadaire du coronavirus qui sera contacté à la question des réinfections. Et puis demain à 16h pour la méthode scientifique jusqu'à preuve du contraire.